Coming on your way now, live a bit more than time. Coming on your way now, in positive climb. Coming on your way now. Tout le temps je pense à moi, c'est ma gagne. Elle est belle en gagnant, tout le temps en gagnant.